t'est déjà arrivé d'avoir un pote qui part en vrille, un frère qui t'aime, ça fait une vingtaine d'années, tu traînes avec lui, un pote que tu connais depuis l'époque des pique-niques, mais depuis peu il est chelou, il a des délires mystiques, je sais pas, il traîne plus avec nous. Quand tu lui demandes tu vas où, il va voir quelqu'un, il dit jamais qui. Et quand il bouge, il va quelque part, mais il dit jamais où. En fait, il t'embrouille le cerveau. Attends, putain, là on en est où? Ah ouais, en fait, ce mec, je le connais vraiment par cœur. Je sais qu'il va pas très bien, c'est pas un très bon acteur d'ailleurs. Sa mère m'a dit qu'il dormait même plus à la maison depuis qu'il s'était fait licencier. Je me souviens plus de la raison, il traîne plus sur le quartier. Mais si tu le vois, dis-lui qu'on cherche. C'est mon sens, il faisait des tours même sur son père. S'il y a des rumeurs qui tournent sur lui comme quoi il est malade, qu'il a maigri grave. Mais si tu le croises, dis-lui reviens parmi nous. Laisse tomber les ambiances glauques, les têtes bizarres, les lieux mystiques où ça sniffe de la coke. Reviens parmi nous. Eh, tu as laissé un vide, tu seras toujours bienvenu chez moi sans invite. Reviens parmi nous. Tu sais, t'étais mon bête de pote. Même si j'ai pris des rides, ça sera toujours comme à l'époque. Reviens parmi nous. Reviens parmi nous. Il me disait les filles ont les crocs, leurs denrées et le carrelage. Elles sont rares celles qui veulent pas voir le loup avant le mariage. Lui qui insistait sur le fait que la femme de sa vie devait être vierge. Traîne avec une pouffe qui connaît la cave mieux que le concierge. Moi je l'ai connu strict, je l'ai connu plein de principes. Faut se faire une raison, apparemment c'est la fin du cycle. Avant on s'appelait tous les jours, on se voyait tout le temps. Je le considère comme un frère et c'est ça qui me saoule le temps. On était inséparables, trop de choses nous réunissaient. Du même quartier, de la même classe, de la maternelle au lycée. On était même partis acheter ensemble nos premières Adidas. À l'époque des chemises à carreaux, à la Charlie Gals. Et ouais, je me souviens de tout, même si ça date. On a fait les 400 coups et les fils de la 404. Nous on était bien pourris, on se tapait des fous rires. On délirait grave ensemble, putain il manque ton petit sourire. Reviens parmi nous. Laisse tomber les ambiances glauques, les têtes bizarres, les lieux mystiques où ça sniffe de la coke. Reviens parmi nous. Et tu as laissé un vide, tu seras toujours bienvenu chez moi sans invite. Reviens parmi nous. Tu sais, t'étais mon bête de pote. Même si j'ai pris des rides, ça sera toujours comme à l'époque. Reviens parmi nous. Reviens parmi nous. Il avait une image beau gosse, il entretenait pour pas qu'elle parte. Il était toujours classe à ses pieds, la paire de je sais pas quelle marque. Mais aujourd'hui il a un look bizarre, ça se voit qu'il s'en fout. Il est speed, il parle tout seul, il a une touffe de savant fou. Lui qui ne voulait pas connaître l'hôpital psychiatrique. Mais ça on le choisit pas, tu sais c'est comme les cicatrices. Il a perdu sa logique, peut te faire jouer Messi en DH. Entre son oreille et son cerveau y'a un pH. Putain, tel que je l'ai laissé, je veux qu'on me le rende. Mon pote reviendra pas même attaché à un boomerang. J'ai essayé de comprendre mais y'a des fois faut pas chercher. Y'a ceux qui sont revenus mais lui il est resté perché. Putain, tel que je l'ai laissé, je veux qu'on me le rende. Mon pote reviendra pas même attaché à un boomerang. J'ai essayé de comprendre mais y'a des fois faut pas chercher. Y'a ceux qui sont revenus mais lui il est resté perché. Reviens parmi nous. Laisse tomber les ambiances glauques, les têtes bizarres, les lieux mystiques où ça sniffe de la coke. Reviens parmi nous. Eh, tu as laissé un vide, tu seras toujours bienvenu chez moi sans invite. Reviens parmi nous. Tu sais, t'étais mon bête de pote. Même si j'ai pris des rides, ça sera toujours comme à l'époque. Reviens parmi nous. Reviens parmi nous.